tous responsables. Vous écoutez France Inter dans quelques secondes, 17h. Et pour les infos, Laetitia Gaillet. Dans une demi-heure, le procureur de la République de Paris, François Molins, donnera une conférence de presse et on devrait en savoir un peu plus sur l'affaire de la voiture chargée de bonbonnes de gaz. À cette heure, on sait désormais qu'il y a 8 personnes interrogées, les deux couples interpellés dans le sud et dans le Loiret, les 3 jeunes femmes d'hier soir, à Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne, et désormais le compagnon de l'une d'elles. Il a été interpellé au Mureau dans les Yvelines. Il est connu des services de renseignement pour islamisme radical et il est aussi au passage le frère d'un homme incarcéré pour ses liens, cette fois avec la aussi Abala, le tueur d'un couple de policiers dans les Yvelines. C'était en juin dernier. Un attentat a été déjoué, a dit François Hollande aujourd'hui en marge d'un déplacement à Athènes. Un groupe a été annihilé, mais il y en a d'autres, dit-il encore. Le Conseil de sécurité de l'ONU va réunir ce soir à New York ses consultants, donc, ou plutôt ses représentants, une consultation d'urgence à l'appel notamment des États-Unis suite au nouvel essai nucléaire nord-coréen ce matin. C'est une menace sur la paix internationale, a dit aujourd'hui Barack Obama. Les États-Unis qui veulent imposer de nouvelles sanctions à la Corée du Nord, car c'est le plus puissant essai nucléaire jamais mené par Pyongyang, qui parle d'essai réussi. Alors quel est le but poursuivi par le régime de Kim Jong-un? Élément de réponse à Séoul de Frédéric Ojardias. La Corée du Nord a un objectif simple, posséder une capacité crédible de dissuasion nucléaire. L'explosion de ce matin lui permet à la fois de mettre au point les technologies nécessaires et de montrer qu'elle ne cédera pas face aux sanctions. Cet objectif explique la multiplication des essais nucléaires de cette année et des tirs de missiles balistiques depuis des pas de tir mobiles ou depuis des sous-marins. Les ingénieurs nord-coréens progressent vite. Selon Séoul, la bombe de ce matin avait une puissance de 10 kilotonnes, deux fois supérieure à celle de l'essai de janvier. Le nucléaire est vu par le régime de Kim Jong-un comme indispensable à sa survie et comme un élément de sa légitimité. Sa population vit dans une grande pauvreté, mais le dirigeant nord-coréen peut prétendre que ses souffrances ne sont pas vaines, puisqu'il a fait de son pays une fière puissance nucléaire, pour reprendre la déclaration victorieuse de la télévision d'État ce matin. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter. Le dépôt des candidatures pour la primaire des Républicains sera clos à 18h tout à l'heure. Sauf surprise, ils seront 8 sur la ligne de départ. Hervé Mariton était le dernier à se qualifier cet après-midi. Il rejoint ainsi Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, Jean-François Copé, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Frédéric Poisson qui, lui, en tant que parti ou président du Parti chrétien-démocrate, participe d'office au scrutin. La primaire des Républicains qui désignera donc le candidat à la présidentielle de 2017 sera connue, lui, le 27 novembre prochain. Chose promise, chose due, à 8 mois de la présidentielle, le cadeau fiscal aux classes moyennes, une baisse de l'impôt sur le revenu d'un milliard d'euros. Michel Sapin, le ministre de l'économie et des finances, a donné le détail ce matin. 20% de baisse sous conditions de revenus qui bénéficieront à 5 millions de foyers fiscaux. Et il y aura aussi un crédit d'impôt à partir de 2017 pour tous les retraités qui emploient une personne à domicile et ce, quel que soit leur revenu. Ces baisses d'impôt sont justifiées, selon le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin. C'est un geste de diminution de l'impôt sur le revenu qui vient après 3 autres diminutions successives, 2014, 2015, 2016. Et nous continuons donc en 2007 ce que nous avons déjà fait depuis 3 ans. On revient à avant 2012, parce que quand vous prenez 2012, vous donnez le sentiment que des augmentations d'impôts ne sont intervenues que depuis 2012, ce qui est évidemment totalement faux, puisque ces augmentations, y compris sur l'impôt sur le revenu, y compris pour les personnes âgées, les augmentations d'impôts avaient commencé bien avant. Nous le faisons parce que c'est juste, parce que c'est nécessaire, parce que l'effort demandé était peut-être nécessaire, mais aujourd'hui, redonner du pouvoir d'achat aux plus modestes des Français nous paraît parfaitement. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, des baisses plus importantes, plus tôt, Michel Sapin? Parce qu'il ne vous a pas échappé que lorsque nous sommes arrivés, le budget de la France était en déficit de plus de 5%, que la dette avait explosé au cours des années précédentes et que nous sommes, parce que nous sommes au pouvoir, des gens sérieux qui géreront aussi la France avec sérieux. Michel Sapin avec Céline Bayard-Court, un mot des entreprises, elles aussi connaîtront une baisse de leur impôt. Le taux d'impôt sur les sociétés sera ramené à 28% pour toutes les entreprises d'ici 2020. Que la fête commence, Gaël Monfils sera sur le cours ce soir de Flushing Meadows à New York. Le Français jouera pour une place en finale de ce dernier tournoi de tennis du Grand Chelem de la saison, mais pour y arriver, il devra passer la montagne serbe, Djokovic, le numéro 1 mondial. 17h et presque 5 minutes sur France Inter. On file à la Bourse de Paris. Retrouvez Jean-Yves Courciel. Jean-Yves Courciel, c'est une fin de semaine plutôt dans le rouge, hein? Et oui, Laetitia, en très légère baisse durant la première partie de la séance, la place parisienne a depuis creusé ses pertes et à 30 minutes de la fin des échanges, le CAC 40 cède 1,13%. Il redescend à 4490 points. À New York, les indices reculent également. Le Dow Jones perd 0,98% et le Nasdaq moins 1,06%. Alors, outre la déception liée à l'inaction de la Banque Centrale Européenne hier, les autres éléments qui pèsent sur les marchés aujourd'hui sont la rechute du prix du baril de pétrole. À Londres, il redescend à 48,55 $, ainsi que les déclarations d'un membre de la réserve fédérale américaine qui milite pour un relèvement des taux d'intérêt outre-Atlantique. Du côté des devises, l'euro s'échange contre $1,12.12 et côté valeur, Valeo se distingue grâce à l'avis positif d'un cabinet d'études. Le titre de l'équipementier automobile avance de 0,59%. En revanche, dans le bas du palmarès, LafargeHolcim abandonne 3,64%. Le CAC 40 est lui en repli d'1,18%. Il est à 4488 points. La Bourse, Jean-Yves Courciel pour France Inter. Du lundi au vendredi soir sur France Inter. L'heure bleue. À partir de 20h. L'espace des possibles. Laure Adler. Ils sont écrivains, philosophes, architectes, cinéastes, historiens, metteurs en scène. Et chaque soir, ils viendront nous parler de leur passion. L'heure bleue. Ce soir sur France Inter. À partir de 20h. Moi, c'est Chloé. Je partage un appart avec deux colocs. Et des trois, je suis clairement la plus désordonnée. Je laisse tout traîner derrière moi. Non, je reconnais, je manque de sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Ils vont même plus loin. Mon offre MGEN inclut des services d'assistance. Par exemple, si je suis immobilisée après un accident, devinez quoi ? J'ai droit à une aide ménagère. Chloé a choisi MGEN. Et vous ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. Charline Van den Akereta, non, si, y a-t-il quelqu'un derrière ce micro ? Ah bah ouais ! Quand même ! J'aime bien. Alors, y a quelqu'un derrière le micro, mais il y a surtout plein de gens dans la salle. Amusez-vous bien ! Oh là là là là, je ne vous entends plus, Laetitia ! C'est normal, je vous ai perdu, au revoir. Au revoir, bon week-end, merci pour ces informations. Oh, on est en public à Nancy. Beaucoup de chômeurs à Nancy hein, aujourd'hui. Merci François Hollande pour ça. Et donc on a dû préparer cette émission dans le train. Oui, tout à fait. Évidemment, et alors qu'est-ce que ça donne ? Mais ça donne ceci. Bon, tout le monde est là ? Oui. Fred Fromet. Il est dans un coin, je l'ai vu, il écrit sa chanson. Aïe, aïe, aïe, je crains le pire. Non, non, non, ça va aller, je l'ai entendu, il chantait Lorraine des Neiges. Ah ouais, bah j'ai raison de craindre le pire. Non, non, mais t'inquiète, il en a d'autres, il a aussi Nancy, Maman Si. Ah, super, ouais. Bon, moi je vais au bar. Ouais, moi je t'accompagne. Non, attendez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il est où, Alex ? Ah bah ça, je sais pas moi où il est, Alex. Je vais voir s'il est au bar. Ouais, moi je t'accompagne. Non, non, non, non, non, vous restez ici. Où est Alex ? Mais on sait pas. Ah, bah on l'a oublié. Oh putain. Mais ouais, mais attends, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'en partant, j'ai vu comme une sorte de pot de fleurs qui restait sur le quai. Mais oui, évidemment, mais c'est sa chemise. Mais oui, mais c'est ça, merde. Putain, on a oublié Alex. Oh la vache. Demi-tour. Bah, on va pas faire demi-tour dans un TGV. Ah oui, c'est vrai. Et quand tu dis TGV, ça veut dire tequila, gin, oui. Vodka ? Parce que dans ce cas-là, on va au bar, moi je t'accompagne. Non, non, non, non, non, mais on est foutus, mais comment on va faire pour les brèves ? Ça, je sais pas, je sais pas. Oh là là là. Bon, alors attends, on panique pas. Les brèves d'Alex, ça commence toujours par ivre, virgule. Donc on va au bar. Ouais, bah je t'accompagne. Non, non, non, on est une équipe. Bah, plus tellement, du coup, y a pas Alex. Ah ouais. Non, mais en plus, il met toujours une bonne ambiance, Alex. Ah bon, bah, il nous reste plus qu'une chose à faire pour pallier l'absence d'Alex. Allez au bar. Non ! Bah quoi alors ? Il ne reste plus qu'à compter sur la folie du public de Nancy. Ouais ! Écoutez l'émission qui repeint l'actualité au couteau. Et voici les trois informations qui vont finir déchiquetées à 18h. François Hollande a livré hier un grand discours sur la démocratie face au terrorisme. Nous en avons retenu une déclaration de candidature déguisée. Alors, quelle est la valeur du discours politique aujourd'hui ? Comment travailler son souffle, monsieur Hollande ? Mon mari a des difficultés mécaniques lorsqu'il doit s'exprimer. Je vois que vous avez le ventre mou, donc il nous faudra aussi renforcer le diaphragme. De la simple mécanique. La fameuse photo de Robert Capa intitulée « Mort d'un soldat républicain » a-t-elle été mise en scène ? Après 7 ans de recherche, un universitaire affirme que oui. Alors que lui répondrait Capa aujourd'hui ? Je travaille en noir et blanc, moi, ici. Hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs, hein. Sinon ça va rendre fat, hein. Faut, tu vois, ça tu ne sais pas, parce que tu ne connais pas ça, toi. C'est pas ton boulot. Eh ben oui. Ce week-end, c'est la fête de l'UMA qui attend un retour sur investissement parce que le concert de Paul Naref va lui coûter un bras, hein. Hé, camarade ! T'as pas 100 balles ? Camarade ! Salaud, hein. Et voici les membres de l'équipage qui m'accompagnent aujourd'hui. Ils programment la musique qui caresse vos oreilles dans cette émission. Ces tatouages trahissent une sensibilité musicale à fleur de peau. Bonjour Djoubaka. Hello. On va parler de quoi tout à l'heure vers 17h30? Bravo. On va être afro-latino. Afro-latino. Ouais. Il ne se sépare jamais de son micro au cas où il croiserait enfin le roi des cons, car telle est sa quête, suivre l'étoile qui guide la connerie ambiante. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben moi je suis allé évidemment ce matin à la rencontre de vous, peuple de Lorraine, et plus précisément à la rencontre des fans de Nadine Morano. Eh oui. Musulmans et des Noirs en France, mais... Ah voilà, il y a le fameux mais qui fait basculer une phrase, hein, et peut-être une élection, on verra tout à l'heure. Lui, il incarne la spiritualité alliée à l'élégance, cravate, veste en lin, pochette, qui emballe un raisonnement implacable, mais qui pétille sous les vannes. Thomas Bidoguin, bonjour. Bonjour. On parle de quoi tout à l'heure vers 17h45? Oui, bah, moi je vais vous parler des a priori. Ah, a priori. A priori, on verra bien après. Et enfin, celui que la police du jeu de mots attend à la sortie, ainsi que tous ceux qu'il a déjà dessoudés à coups de refrain assassin, Frédéric Fromet fermera derrière lui cette émission. Et maintenant, je me tourne vers celui qui a tout annulé, sauf son billet de train pour Nancy. Vous avez été militaire avant d'être romancier, et vous avez même été les deux en même temps. Vous avez publié « Ce que le jour doit à la nuit », « Les hirondelles de Kaboul » ou « L'attentat ». Vous avez reçu plus de prix que Sarko n'a reçu de convocation chez le juge. C'est dire si vous avez été primé. Chapeau. Vous êtes, je vous laisse nous dire, vous êtes... Yasmina Khadra. Oh, yes. Bienvenue. Bonjour Yasmina Khadra. Bonjour. Et merci de passer cette heure avec nous sur France Inter, avec nos auditeurs bien sûr, et puis les personnes dans la salle, dans cette jolie salle de l'Opéra de Nancy. Nous sommes là parce qu'en ce moment se tient le livre sur la place à Nancy. Alors Yasmina Khadra, vous venez y présenter votre dernier roman qui s'appelle « Dieu n'habite pas La Havane », un roman publié chez Julliard. Alors pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, je résume sous votre haute autorité. Votre héros, il est baptisé Don Fuego. Il chante dans un cabaret de La Havane, mais le parti a décidé de le vendre, ce cabaret, à une dame de Miami. Alors au moment où Don Fuego est en désespérance, il monte dans un tramway abandonné, un tramway qu'un petit malin a rebaptisé La Révolution. Mais à l'intérieur, il rencontre une jeune fille de 30 ans, sa cadette, il tombe amoureux et là, sa vie prend un nouveau départ fulgurant. Jusque-là, j'ai bon ? Alors, le tramway, ce fameux tramway abandonné, un petit malin a écrit La Révolution dessus, c'est bien sûr une allégorie. Le parcours de votre héros, chanteur, musicien, est-ce que c'est une allégorie aussi ? Et si oui, de quoi ? D'abord, bonjour. Pour le tramway, il existe véritablement. Ah oui ? Oui, à Casablanca. Il est là depuis des années et des années. Il ne bouge pas. C'est pour ça que quelqu'un l'a baptisé La Révolution, parce qu'elle n'avance pas. Voilà. Pour Don Fuego, je crois qu'il y a beaucoup de chanteurs qui connaissent la même chose. Parce que nous dépendons tous du public. Et si un jour le public nous abandonnait, on est livré à nous-mêmes. Mm-hmm. Et Don Fuego aussi n'a jamais pensé un jour. Il pensait mourir sur scène. Parce qu'à Cuba, quand même, on est des fonctionnaires de l'État. Que l'on soit artiste ou ingénieur ou voleur, on est tous fonctionnaires de l'État. Et donc, lui, il était absolument certain que sa carrière était incontournable. Il était persuadé d'être en CDI, c'est ça que vous nous dites? Oui, il était en CDI, parce que là-bas, tout le monde est en CDI, ouais. C'est pas comme en France. Je vois pas ce que vous voulez dire. On sent aussi que dans ce moment que vous aimez très très fort la musique, Djoubaka, ce sera le sujet de votre chronique tout à l'heure d'ailleurs. Yasmina Khadra, c'est pour ça que vous avez amené l'histoire à La Havane. C'est aussi pour votre passion de la musique. Est-ce que vous avez, j'imagine, peut-être assisté à des concerts, fréquenté les cabarets de La Havane? C'est la musique le moteur là-dedans? Pas les cabarets, c'est interdit, d'autant plus que ma femme pourrait nous écouter. Mais j'ai été fasciné par un chanteur à l'Hôtel National. Ah. Et c'est ce chanteur-là qui se retrouve dans mon livre. Il était exactement comme je l'ai décrit dans mon livre. Et c'était une espèce de magnificence. C'est quelqu'un, il était dans la générosité la plus absolue. Il fusionnait avec son public. Il était quelque part une note dans une chorale. Donc il existe, Don Fuego? Il existe, même Mayence existe. Tout le monde existe. Flaubert disait, tout ce que nous inventons est vrai. Oui. Donc La Havane, c'est une ville que vous fréquentez pas mal, ou vous êtes retourné? Parce qu'il y a le tramway qui existe, il y a Don Fuego qui est inspiré par un véritable chanteur de La Havane. Oui. Donc j'imagine que toutes ces choses, c'est un puzzle que vous avez constitué en vous baladant là-bas. Non, j'avais écrit un scénario en 2012 sur l'histoire d'un Cubain qui sera d'ailleurs incarné à l'écran par Forest Whitaker. Mm-hmm. Et on était là-bas au repérage et en même temps pour négocier avec les fonctionnaires, parce que tout se négocie là-bas. Il y a du bakchiche, voilà. Dites-nous. Pas le bakchiche, non. Non, juste du pognon qui circule entre les gens. Oui. Du black chiche, du black chiche. Et puis, c'était... Moi, je voulais vérifier si mon scénario tenait la route, parce que je n'avais jamais été à La Havane avant. Et c'est là où j'ai découvert, par exemple, les prêtres. J'ai assisté à un rite vaudou. J'étais parmi les saints. Il y a une secte qui se qualifie, qui se définit comme étant une sainteté. Et ils sont habillés en blanc et tout. Et j'ai découvert que derrière tout ce paysage, il y avait une âme. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas allé en Jamaïque plutôt, là? Non. Non, mais j'aimerais bien y aller, tiens. Prochain livre, peut-être. Avec un bon joint, comme ça. Il paraît que ça donne à l'imaginaire un élan beaucoup plus fracassant. Il paraît. Nous, on n'a jamais fumé, donc on ne sait pas. Ah, mais okay. Oui, moi, j'ai entendu dire. J'ai un ami qui fume. Yasmina Kadra qui écrit sous l'effet du fracas, alors. Ça peut arriver? Non, jamais. Si, j'écris. Moi, sincèrement, quand j'écris, je m'efface de la planète. Je suis dans mon texte. Je suis quelque part entre une virgule et un point d'exclamation. Oh, c'est joli. Yasmina Kadra qui publie « Dieu n'habite pas La Havane ». C'est par chez Julliard. Et je rappelle aussi, tiens, que La dernière nuit du Raïs est disponible en pocket, en version de poche, depuis le 1er septembre. Yasmina Kadra qui est avec nous jusqu'à 18h en direct sur France Inter de l'Opéra de Nancy à l'occasion du Livre sur la place. Restez avec nous, c'est chaud. Jump, Jumpin' Jack Flash est donc un choix de notre programmateur musical Djoubaka qui est là. Alors Djoubaka, répondez, pourquoi les Rolling Stones? Pourquoi les Stones? Parce que les deux papis, là, enfin les papis font de la résistance, ils ont joué à Cuba pour la première fois et c'était la première fois qu'on avait un groupe de rock aussi important à Cuba. Ce concert a été filmé, qu'a priori il est très très bien et qu'on va pouvoir le voir en salle en France. Je pense qu'il y a 190 cinémas qui vont diffuser le concert de Cuba. Et là-bas, ça a été un événement que nous n'imaginons pas du tout, du tout, du tout ici. Et ça se voit dans ce documentaire et ce concert filmé, en fait. Et Cuba, La Havane, qui est l'objet, le lieu du dernier roman de Yasmina Kadra, Dieu n'habite pas La Havane, paru chez Julliard. Djoubaka, vous l'avez lu et vous a inspiré une chronique musicale qu'on écoutera tout à l'heure. Et puis, on est autour de cette table. Où ça? Où ça? À l'opéra? De Metz. Non. Non. À Nancy, à l'occasion du livre sur la place, en direct de l'Opéra. Et merci à la ville de nous accueillir. Et puis nous sommes en compagnie de Thomas Bideguin, de Djoubaka, bien sûr, de Guillaume Meurice, notre invité Yasmina Kadra. Et là, évidemment, comme il est exactement 17h21 à Florange, c'est l'heure des informations. Bien joué. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence avec les titres. On commence avec l'info du jour. Hervé Mariton va donc concourir à la primaire de la droite. Il a ses parrainages. Oui, une première bonne étape pour lui. Rappelons que la prochaine est de trouver un programme politique et du charisme. On enchaîne avec des essais nucléaires nord-coréens qui inquiètent la communauté internationale. Oui, et pas seulement, hein, Charline, pas seulement les essais nucléaires. Il est même question d'un documentaire qui a failli être censuré sur la télévision publique nord-coréenne. Non, ça, c'est en France, c'est Sarkozy, ça. Ah, c'est Sarkozy. Ah oui, parce que je les confonds les deux, c'est pour ça. Ah, oui. Kim Jong-un, ouais, pardon. Bien sûr, bien sûr. Et okay. Bien sûr, nous terminerons par des brèves, des brèves locales, des brèves du terroir, car la terre ne ment jamais. Vive le maréchal! On commence donc. C'est toujours gênant, hein, quand on dit vive le maréchal avec des gens un peu dix. Excusez-moi, je me suis emballé. On ne sait pas trop où est la blague. On commence donc sans plus attendre et sans transition, hein, surtout, avec le dépôt des parrainages pour la primaire du parti Les Républicains. Et je vous l'annonce, attention, ça y est, Hervé Mariton les a. Youhou ouais, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ouais. Comme vous le dites, Charline, en effet, youhou, hein, puisqu'on a vu des scènes de liesse dans les rues de France, des gens qui faisaient la queue des heures devant le QG d'Hervé Mariton pour lui baiser les pieds. Attendez, non, Guillaume, quoi? Je crois que vous confondez avec la sortie de l'iPhone 7. Ah merde, ah ouais. Ah ben en même temps, c'est pareil, on peut les confondre les deux. Voilà, hein, oui, non, mais c'est vrai que dans les deux cas, il y a pas mal de bugs. Il ouais, hein, y a beaucoup de bugs. Alors on enchaîne avec une bonne nouvelle sur le marché de l'emploi. Oui, Amazon va créer 450 postes en France d'ici la fin 2016. Ouais, rappelons que l'esclavage a pourtant été aboli en 1840. 48. On enchaîne. Oui, c'est l'esclavage, donc on enchaîne, c'est logique. Non mais, on enchaîne le journal. Ah, le journal, le journal, oui, on enchaîne le journal, parfait. Oui, oui. Avec donc les essais nucléaires nord-coréens qui auraient eu lieu lors des derniers jours. Une initiative donc du dictateur Kim Jong-un, célèbre pour sa coupe de cheveux, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la mode nancéenne, hein, on le constate aujourd'hui. Mais oui, il fait peur Kim Jong-un, mais pas seulement pour ça, rappelons qu'il a comme modèle Manuel Valls. Ah, ça fait vachement flipper, oui. Ouais. Armement toujours avec le salon de la chasse qui s'est ouvert aujourd'hui à Metz. Oui, on pourra y observer de beaux blaireaux. Oui, ces animaux très facétieux. Non, Charline, je parlais des chasseurs, en fait. Ah oui, évidemment. Ouais. Oui. Donc, ils ne sont pas facétieux du tout. Voilà. Alors, animaux toujours. En tout cas, en Australie, un drone aurait observé un très rare baleineau blanc. Oui, alors gardons toutefois des réserves sur cette information, Charline, car il pourrait en fait s'agir de Gérard Depardieu en vacances. Effectivement. Alors, on poursuit avec notre interview du jour. Nous sommes en direct avec la statue de Stanislas à Nancy, sur la place du même nom. Hein. Tout à fait, Charline. Alors, Stanislas, vous êtes toujours sur la place? Où veux-tu que je sois? Oui, je suis en bronze, je pèse 7 tonnes, je vais pas me balader comme ça. Tu crois que je suis parti cueillir des mirabelles? Alors, soyez pas désagréable, hein, Stan, vous devez être content aujourd'hui. Là, c'est le livre sur la place, vous avez de la visite. Ah bah, que des cons. Franchement, ils connaissaient rien. Oh, vous exagérez, Stanislas. Non, pas du tout. Je suis sûr qu'ils pensent que Yasmina Kadra, c'est une gonzesse pas mal foutue qui a 40 ans. Oui, en effet. Ouais, donc ça craint. On vous laisse, Stanislas. Et on termine avec une brève locale, car ce dimanche, à Saint-Max, un arrondissement de Nancy, se tiendra la première fête de la patate gourmande. Oui, ça, c'est de l'information qui envoie de la purée. Oui, ça me rappelle, qu'il faut remercier Frédéric Fromet, qui nous a accompagnés toute la semaine pour l'écriture aussi de cette émission. Ça doit être lui, ça. Oui, c'est ça. C'est Frédéric, qu'on retrouve tout à l'heure à la fin de l'émission, bien sûr. Nous voilà, toujours en direct sur France Inter de l'Opéra de Nancy en compagnie de Yasmina Kadra. On va parler du premier sujet avec vous. François Hollande nous avait annoncé un discours solennel sur la démocratie face au terrorisme, un discours qu'il a donné hier. Ce matin, la presse en a retenu surtout une déclaration déguisée de candidature. Le président a également beaucoup répondu à ses adversaires. Alors, on se pose la question de la force du verbe en politique. Quand on manque de souffle, il faut trouver d'autres subterfuges dans la forme pour faire passer le message. Alors voici un exemple de belle réussite en la matière. Si t'as plus d'oseille, au lieu de critiquer, découvre les merveilles de l'austérité. La rigueur en chantant, la rigueur en chantant, la rigueur en chantant. Philippe Catherine, la rigueur en chantant. Voilà une manière de faire passer le message, Yasmina Kadra. Alors, en regardant la presse ce matin et ce qu'elle en dit du discours de François Hollande, j'ai repensé à une phrase que j'ai lue de vous dans une interview où vous dites, mais là en parlant de terroristes, le discours a fait d'eux des monstres, eh bien c'est le discours qui peut les assagir. Et je me suis posé la question, je me suis dit, si le verbe est vraiment capable de ça, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le politique le néglige ? Il n'y a pas de négligence. Le politique l'utilise même à outrance. Mm-hmm. Tous les discours se basent sur un verbe assez convaincant quand même. Quand on les écoute, on a envie de les épouser tout de suite. Oui, mais... Vous êtes une midinette dans le fond. Oui, absolument. C'est vrai qu'Hervé Mariton, je ne dirais pas non. Non, mais personnellement, j'ai trouvé les discours... très sobre, très sincère, et puis c'est quelqu'un qui pense à toute la France. L'opposition, on trouvera toujours une brèche quelque part, de quoi démythifier, mais il y a des moments où il faut un peu être raisonnable et écouter avec des oreilles citoyennes et non pas avec des oreilles d'élus. Oui, bien sûr. Alors Yasmina Kadra, les politiques, dans leur discours, ils veulent toujours parler de leur action. Ils disent d'ailleurs, demain je m'exprimerai pour parler de mon action, ils parlent d'action, d'action, d'action. Est-ce que le verbe ne peut pas, à un moment, quand on est président, parce que l'action ça peut être aussi le gouvernement qui a les mains dans le cambouis, quand on est président, est-ce que le verbe seul ne peut pas suffire ? Est-ce qu'il faut toujours se justifier de ce qu'on a fait et ne pas choisir un verbe avec un souffle qui soulève une espérance ? Ça dépend. Vous savez, il y a deux beautés dans le cosmos, il y a la femme et la promesse. Donc quand le verbe est promesse, il est fascinant, mais quelquefois la réalité le rattrape et prouve que quand même seule la femme est belle. Yasmina Kadra, bien sûr. Mais oui, bien. Une dernière question à ce sujet. Regardez, je vous montre cette une de Libération, puisqu'on parle de lettres avec vous, on parle de sémantique. La une de Libération à propos de François Hollande, c'est « Pépère se réveille ». Donc où est passé le respect, c'est la question. Qu'est-ce que le romancier et l'amoureux des mots qui connaît le sens des mots, qu'est-ce qu'il dit devant Pépère se réveille pour un président de la République? Je trouve que c'est un peu injuste. En tant que Pépère, absolument. C'est un amalgame quoi. Non, il n'est pas Pépère. Moi, je pense sincèrement, ce ne sont pas des fleurs. La France est une grande nation et elle devrait de temps en temps s'armer de patience et de sérieux. Les mots de sagesse de Yasmina Kadra, qui publie « Dieu n'habite pas la Havane », un roman paru chez Julliard. Nous sommes au Livre sur la Place. D'ailleurs, Yasmina Kadra, vous serez toute la journée de demain aussi au Livre sur la Place, où les lecteurs peuvent vous rencontrer. Djoubaka, notre programmateur musical, a lu votre roman avec attention et ça lui a inspiré une chronique musicale. Moi, je vais être vraiment afro-latino en fait aujourd'hui. Et puis, il y a des moments où la politique et la musique font bon ménage, mais en général, ça ne dure jamais longtemps. Et donc, je vais vous raconter une vieille histoire. C'est un peu... on est à l'aube, en fait, des indépendances africaines. Cuba et le gouvernement de Castro ne vont pas seulement soutenir, en fait, toutes les guerres d'indépendance. Ils vont aussi organiser un système qui va permettre à des musiciens de venir chez eux, de venir à Cuba, apprendre la musique et se perfectionner, et en particulier avec l'Afrique. Et l'Afrique, elle a laissé des traces sur cette île depuis le XVIe siècle, 300 ans d'esclavage. Elle est présente dans la musique, elle est présente dans les mœurs, dans les cérémonies vaudou qu'on peut voir là-bas. Et c'est vrai que Castro, finalement, et Cuba, en fait, par cet intermédiaire-là, vont rendre un peu une part de l'héritage musical qu'ils ont eu. Et au début des années 60, en fait, on a une Afrique qui bouge, c'est la fin des colonies, c'est la fête, et le désir d'indépendance, il va résonner que sur des rythmes cubains, de la salsa, du mambo, du boléro, du cha-cha-cha. Et en Belgique, chez vous, là, le 20 janvier 1960, il y a un musicien qui s'appelle Joseph Cabasele, qui est à côté de la salle où va se faire les accords pour que le Congo ne soit plus le Congo belge. Et il va écrire une chanson, et cette chanson va être diffusée sur le plus gros émetteur de la radio d'Afrique, le plus puissant, celui de la radio belge. Et c'est l'hymne des indépendances. Indépendance, tcha tcha, Kozumiye, Okipwaza, tcha tcha, Toubakini, au table rond, tcha tcha, Baganyeo, Onipanda, tcha tcha, Kozumiye, Indépendance, tcha tcha, Kozumiye. Depuis en fait les années 30, il faut vous imaginer que l'Afrique est complètement envahie par l'industrie du disque qui a besoin de faire un peu de brousouf et qui se débarrasse de 78 tours, et tous ces 78 tours en fait sont latinos quoi. Et là-bas on n'écoute pas forcément la musique du colonisateur, et donc au début des années 60, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Congo et même en Tanzanie, les stars du système politique cubain sont là aussi avec ces disques. Hein. Et le Che, il va même entamer en fait une quasi-guérilla au Congo où il va prendre les armes. Et les soldats cubains partiront, comme dans le livre de monsieur, en fait, en Angola. Et il y aura beaucoup, beaucoup de souvenirs en fait pour tous ces soldats. Et au Mali, en fait, il y a 10 musiciens, 10 garçons qui vont faire une lettre de motivation qu'ils vont envoyer à Fidel Castro et à qui ils vont demander de partir à La Havane, en fait, apprendre la musique. Alors ils y vont, alors c'est quand même extraordinaire pour eux. D'abord, c'est quand même du rhum tous les jours, les petites pépées, les cigares. Et en plus, ils ont les meilleurs profs de musique sur place, quoi. Et donc, ils vont se frotter avec les gens qui sont là-bas, les musiciens de là-bas. Ils vont créer sur place un orchestre qui s'appelle Les Maravillas des Mali, c'est-à-dire les merveilles du Mali. Et eux, ils vont déclencher un raz-de-marée sur le continent. C'est Bougalou sera Mali. Bougalou sera Mali. Maravilla fe, Bugalú será Mali, aúye don, qué maravilla fe. Alors avec eux, en fait, on fait plus vraiment la différence entre ce que pourrait être un groupe de Cuba et un groupe d'Afrique. Si on le donne à un néophyte, le disque, a priori, il dit bon, c'est une salsa cubaine, mais il ne sait pas qui l'a vraiment écrit. Au Sénégal, la musique, c'est pareil. Ça arrive dans les années 40, mais eux, c'est les marins, en fait, de Cuba, des Antilles, qui arrivent avec des gramophones, des 78 tours, et qui font danser absolument tout le monde là-bas. Et on a des chanteurs, un peu comme Don Fuego, qui vont envoyer du bois, mais qui savent pas forcément... ce sont des interprètes, mais en Afrique, au Sénégal en particulier, ils connaissent pas l'espagnol, donc ils chantent absolument comme nous en France, on chantait des chansons anglaises en yaourt. En fait, eux, ils chantent en espagnol, un peu yaourt, ils rajoutent des mots de dialecte. Là, franchement, on va avoir une compétition entre énormément de groupes au Sénégal qui vont embrasser toutes les musiques cubaines, et à un moment, ils s'échappent un peu de la copie conforme, et franchement, là, ça sonne, ça sonne. Ça, c'est Étoile de Dakar. Esta China. Esa China de mi Cuba, oh la la. Esa China de mi Cuba, cámara. Que siempre le tengo. Que siempre le tengo. Mais bon, en fait, toutes ces jeunes républiques, elles sont bousculées, hein, par des événements politiques, changement de régime, etc. Ce qui fait que certains musiciens qui étaient partis à La Havane sont considérés, en fait, comme des dangereux révolutionnaires. On les interdit de faire des concerts, ils font un peu de prison pour certains. Et puis surtout, ils arrêtent de jouer, quoi. Les concerts sont censurés, annulés. Et là, c'est vraiment la guerre froide pour le coup. Et en musique, on a un truc qui est bien, c'est qu'on a de la mémoire. Et il y a toujours le revival d'un mouvement qui a existé et qui revient au fur et à mesure. Tous les 20 ans, on retrouve quelqu'un. Et là, on va dire qu'à la fin des années 70, l'afro-latino a complètement disparu. Et puis au début des années 90, au Sénégal, toujours, qui a vraiment été une terre d'accueil très très fort pour ça, il y a un groupe qui s'appelle Africando, qui va réunir en fait plein de gens qui avaient travaillé soit avec des musiciens de La Havane, soit qui avaient vécu simplement l'explosion, quoi, de cette musique en Afrique. Et aux manettes, il y a un garçon qui s'appelle Bokanina Maiga, qui est un flûtiste franchement hors pair, et qui est parti 10 ans étudier à Cuba, et qui est resté 10 ans sur place, qui a joué absolument avec tout le monde. Et avec lui, franchement, l'afro-latino, c'est pas mort, ça c'est Africando. wa afrique man pap seug may waxtan ak yeen mag ak ndaw goor ak jigen jog len fagaru te fecc africando africando ya tanga atando mi ya mireu ya mireu mi na tangen ci africa africando ya tanga africando africando qui vient clore la chronique de Djoubaka. Ouais, ouais, puis on va au bar maintenant, là. C'est ça, bar de Rennes. Avec Yasmina Kadra, qui publie Dieu n'habite pas la Havane. Justement, Yasmina Kadra, sur cette musique qu'on entend, Africando, quand un roman est baigné de musique, est-ce que la musicalité des mots, on y fait doublement attention en écrivant? Absolument. Moi, j'ai chanté ce livre. Je ne l'ai pas écrit. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? J'ai essayé de trouver des fulgurances, une musicalité, des citations assez fluides qui coulent comme un son de flûte ou d'une guitare. Alors, j'étais dans une ambiance assez cubaine. Mm-hmm. En écoutant cette musique, en écrivant, oui, en se baignant complètement. Mais c'est un pays fascinant. Sincèrement, je conseille à tous les Français d'y aller. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer le billet d'avion, il y a en tout cas le livre de Yasmina Kadra pour s'y transporter. Dieu n'habite pas la Havane, publié chez Julliard. Nous sommes toujours, donc évidemment, en direct de l'Opéra de Nancy. Ah, vous étiez là. Oui, on avait oublié que vous étiez là. Mais qui sont ces gens? Et devant le poste de radio, les auditeurs qui attendent également, tous, dans toute la France bien sûr, y compris à Putelange-au-Lac, puisqu'il est 17h37 à Paris, il y a Putelange-au-Lac. Comment ils attendent s'appellent Guillaume les habitants Meurice. On ne sait pas. Eh bien bonjour à tous, bonjour à tous. Quel bonheur d'être à Nancy. C'est une ville qui me ressemble, me disait hier encore un ami dépressif, en mélangeant son Lexomil avec de la Mirabelle. Eh ben moi je suis pas d'accord avec lui. C'est une ville où on s'amuse, Nancy. C'est même une région où on s'est rigolé. C'est quand même la région de Nadine Morano. Il faut pas l'oublier. Elle a fait beaucoup pour l'humour français de ces 20 dernières années. Alors elle a évidemment beaucoup de fans ici en Lorraine. Et quand je dis fan, je le dis vraiment dans le sens fanatique, fondamentaliste. J'en ai rencontré beaucoup en me promenant ce matin sur le marché. On commence avec une première. Elle dit des choses que certaines personnes ne disent pas. Voilà. Comme quoi, par exemple? Je ne vais pas vous dire, mais enfin... Ah, pourquoi vous ne le dites pas? Non, je n'ai pas besoin de le dire, mais enfin, disons qu'elle est sincère, question de beaucoup de choses. Ah, mais genre quoi? C'est plus moi, j'en sais plus rien. C'est vrai que c'est pas évident. Elle dit tellement de trucs rigolos et sincères, Nadine, avec son style, évidemment, on le connaît, c'est un mélange entre Anne Roumanoff et Maurice Papon. Mais il y a un public, moi j'aime beaucoup, personnellement. Alors après, il y a son tube, alors celui-là on le connaît, la France est un pays de race blanche. Tiens, qu'en pense cette autre fan de Nadine? Je trouve que ça a été mal interprété. Moi, c'est la vérité, je vous dis, moi. Il y a les races noires, les races blanches, les races... Moi, ça ne m'a pas choqué, pas du tout. Franchement, je trouve qu'on a fait une polémique pour rien. Toujours dit, de toute façon, dès qu'elle ouvre le bec, c'est des polémiques. Alors, ce sont des polémiques, donc non. Et pourtant, en France, il y a la Guadeloupe, par exemple. Oui, sous le feu de ce qu'elle dit, des fois ça part un peu plus vite qu'elle veut, je sais pas. Ah bah alors du coup vous êtes d'accord avec elle ou pas? Oui, j'étais d'accord avec elle quand elle a dit ça, mais bon, j'ai pas pensé à la Guadeloupe sur le moment non plus. Ah voilà, ouais. Voilà. Du coup maintenant que vous y pensez alors? Je suis désolé pour les Guadeloupéens, c'est vrai qu'ils font partie de la France, mais bon. Bah voilà, maintenant vous êtes plus d'accord avec Nadine Morano. Bon, si vous voulez. On y arrive petit à petit. C'est aussi ça le rôle du service public, de faire de la déradicalisation de moranistes. S'il y a des gens dans votre entourage qui sont touchés, n'attendez pas que ça dégénère. Sachez détecter les premiers signes. Si votre gamin refuse de manger du chocolat noir, par exemple, s'il préfère du galac, hop, on intervient immédiatement. Vous nous l'envoyez. Parce qu'une fois qu'ils sont adultes, c'est souvent trop tard. Écoutez ce monsieur à qui j'ai également parlé des Antilles. Voilà, bon, si vous voulez. Alors, Antillais, c'est pas vraiment noir, si vous voulez. Ah. Ou alors là. Il faut qu'on établisse des nuances. Alors oui, il faut un nuancier quasiment, quoi. Voilà, à la limite, oui. Oui, c'est une bonne idée, parce que c'est pas simple, la couleur de peau. Par exemple, Jacques Séguéla, où est-ce qu'on classe La race orange, ça n'existe pas. Entre Balkany et Casimir, c'est très, très compliqué quand même. Là, on commence donc à rentrer dans la fameuse nuance. D'ailleurs, ce monsieur en question, il était quand même pas mal bronzé. Oui, ça c'est le jardinage. Ah mais comment es-tu? Ah oui, mais attendez, n'exagérons. Je me protège quand même des rayons du soleil, juste ce qu'il faut. Je prends juste ma dose, donc, de... Mais comment vous croire? Écoutez, ça, c'est votre affaire. Vous avez vos papiers? J'ai mes papiers, mais j'ai pas l'intention de vous les montrer. Mais comme par hasard, un fondamentaliste du jardinage, en plus. Un mec qui va se faire choper en train de se branler dans un jardiland, que ça m'étonnerait pas. Non, mais ça va vite, des fois ça va très vite. C'est la radicalisation express, il appelle ça Cazeneuve. Tiens, il y a un autre fan de Morano qui m'a parlé des étrangers ce matin. Enfin, pas non plus de tous les étrangers. Je ne vise pas les Portugais, je ne vise pas les autres personnes d'origine. Ah oui, pourquoi alors? Bah parce qu'ils ne se conduisent pas pareil. Ah ouais? Ils ne provoquent pas insidieusement. Moi, j'ai vu des Portugais manger de la morue devant moi. Vous êtes un gauchiste ou quoi? Ah, oh là là! Oh là là! Oh, la lucidité oh là là des habitants de Nancy! Vous avez vu ça un peu? Enfin, tout. Il est démasqué! Tout de suite des compliments, c'est fou ça! Perspicace, donc le fan de Nadine. Alors, être considéré comme un gauchiste par un fan de Morano, c'est pas hyper compliqué non plus. Hein. Si, non, mais c'est vrai, si une fois dans votre vie vous avez lu un article de Télérama, ça y est, hein, vous êtes crypto-marxiste. Si vous avez ri à une blague de Vanhoenacker, alors là vous êtes stalinien hein, quasiment. En même temps, tout le monde, c'est vrai, tout le monde a un côté de gauche, hein, même ce monsieur, n'est-ce pas? Mais bien sûr, on en a tous. Hein. Alors, quel est votre côté gauchiste? Faudra que j'y réfléchisse, j'ai pas encore trop... Ça me vient pas spécialement à l'esprit tout de suite, mais bien sûr qu'on en a tous un peu. Ça vous est déjà arrivé de faire un truc de gauche? Qui, moi? Ouais. Peut-être, mais... Bah alors, dites-moi. J'ai pas l'esprit, j'ai pas l'esprit pour l'instant. C'est pas évident, hein. ça vient pas. C'est comme Nadine, des fois on sent qu'elle veut dire un truc pas con, mais ça vient pas, c'est comme ça. Bon, en tout cas, on ne sait pas si sa carrière de comique va continuer à Nadine. Si ce n'est pas le cas, elle pourra toujours poursuivre sa carrière d'imitatrice de Marine Le Pen. Guillaume Meurice, lâché dans les rues de Nancy, puisque nous sommes en direct de l'Opéra, pour le livre sur la place, avec Yasmina Kadra, qui est avec nous. Robert Capa, tiens, il a peut-être mis en scène sa fameuse photo intitulée « Mort d'un soldat républicain », où l'on voit un soldat tomber en arrière suite à un tir dans la poitrine. Un chercheur a retrouvé le lieu où a été pris le cliché, et ce lieu n'a jamais été le théâtre de cette guerre. Alors, si Robert Capa était photojournaliste et metteur en scène, alors dans le fond, ne dit-on pas l'art de la guerre ? Moi, je suis dans le showbiz. Alors pourquoi venir me trouver? Je vais vous expliquer, monsieur Motz. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ça vous évoque quoi? C'est un slogan, je crois que c'est une phrase... Messieurs les Anglais? Tirez les premiers, oui, ce sont des phrases très connues. Ah bah, Géronimo... Ah non, ça c'est un peu... Ce sont des slogans, monsieur Motz. Ah. On se souvient des slogans, mais on se souvient pas des guerres. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est ça, le show business. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on est là. Une petite fille nue, couverte de napalm, levée de la victoire. 5 Marines hissant le drapeau américain sur le mont Suribachi. On se souvient de ces photos 50 ans après, mais pas de la guerre. Ok. Et vous voulez de moi que je fasse quoi? Je veux que vous produisiez. Vous voulez que je produise votre guerre? Pas une guerre, un spectacle. Un extrait du film « Des hommes d'influence ». Alors voilà, c'est un article à lire dans le Figaro aujourd'hui, ce fameux cliché de Robert Capa. Il y a un universitaire qui a, pendant 7 ans, fait des recherches pour retrouver ce lieu du cliché, le village d'Espero en Andalousie, qui n'a pas été un théâtre de guerre. Alors, si Capa a mis en scène ce cliché qui est devenu un mythe, finalement, est-ce si grave que ça, Yasmina Kadra? Pour moi, c'est une photo authentique. Vous êtes... Oui? Oui, c'est une photo authentique. Elle appartient à l'histoire, elle appartient à des générations. Mm-hmm. Et elle a symbolisé l'absurdité humaine. Et je ne vois pas pourquoi on vient contester l'incontestable. Eh oui. On va quand même poursuivre le sujet un peu. C'est vrai que c'est une photo qui est... non. Mais les journaux de gauche s'en sont servis pour défendre la cause des républicains. Finalement, c'est questionner une évidence et un mythe. Est-ce que là, il n'y a pas quand même une démarche intéressante de dire cette photo, c'est un mythe, c'est comme, ça doit être comme accepté comme une évidence, et puis on la remet quand même en cause, on se dit, finalement, si on ne s'était pas posé la question si la Terre était plate, on ne saurait jamais qu'elle était ronde. Oui, mais vous savez, il y a ceux qui font du mythe, il y a les fossoyeurs du mythe aussi. Aujourd'hui, on dit aussi que Shakespeare n'a jamais écrit ses livres. Donc, avec la distance, on peut tout se permettre parce qu'on n'a pas les vrais repères. Mm-hmm. On peut introduire n'importe quelle mythologie et comme on peut la soustraire à toute l'histoire de l'humanité. Donc, on est un petit peu. Moi, je trouve que c'est vraiment stupide d'aller un peu chahuter ce qui nous a fait croire. Non, mais je ne suis pas contre le journal. Mais donc, je... conclusion, il a quand même perdu 7 ans de sa vie à faire des recherches. Ben, tant pis pour lui, tant pis pour lui. Il y aurait eu, Thomas Bideguin, un storytelling. Si, toutefois, la version de l'universitaire est vraie, il y aurait Robert Capa qui se serait inventé une histoire. Oui, ben, on sait que les guerres produisent de la propagande, produisent des images, les images des armées russes posant le drapeau sur le Reichstag. On sait qu'elles ont ont été reproduites. C'est Roman Carmen qui les a filmées. Et en fait, il a pris, voilà, il a pris des soldats. C'était la semaine suivante. Et puis il est arrivé, il a dit, bon, on va le refaire. Et puis ils l'ont refait. Et ces images, on nous les resserre chaque fois qu'on nous raconte cette histoire. Après, elles vont rester. Elles vont être des symboles. Et ensuite, qu'elles aient été tournées dans un studio à Boulogne ou quelque part en Andalousie, je ne sais pas si c'est si important que c'est ça. C'est comme la Lune. On n'a jamais été sur la Lune, vous me disiez tout à l'heure. Bah, évidemment, voilà. Ouais, voilà. Bon, allez, hop, cet article. Donc, allez, hop, allez, ça, c'est fait. Et on passe au vrai storytelling de Thomas Bideguin. Et voilà. Oui, c'est à moi, donc. Donc, voilà, moi, je viens à nouveau parler de storytelling, de toutes ces histoires qu'on nous raconte à Hollywood ou à Nancy. C'est un peu pareil, enfin, je crois, parce que les déplacements France Inter, c'est très rarement à Hollywood. C'est plutôt à Nancy. Enfin, bon, déjà, on est venu en autostop. On a été pris par trois filles hyper sympas. Bon, on était un peu serré à l'arrière à cause des bonbonnes de gaz. Mais c'était hyper cool. Elle venait à Nancy pour acheter de la burkamote, je crois. C'est une spécialité locale. C'est un peu comme la Mirabelle Kini. Alors, enfin voilà, Alex Vizorek est resté avec elle. Donc, ils ont bien roulé. Il doit être quelque part là dans la banlieue de Mossoul. Un peu explosé. Bon, en tout cas, nous, on est là pour le festival Le Livre sur la Place. Alors, au début, ils ont hésité. Le festival devait s'appeler « Le livre sur la place des femmes dans la vie politique française » ou alors « Le livre sur la place de l'utopie de gauche dans le programme du Parti socialiste ». Non, et puis finalement, ils ont préféré juste « Le livre sur la place ». Ça sollicite l'imagination. C'est mystérieux. Enfin, voilà. Donc, nous voilà à l'opéra. L'opéra de Nancy. Et que c'est beau, Nancy. Comment se met tout le monde dans la poche ? C'est riant. C'est riant et ensoleillé. C'est pas du tout comme ce qu'on en voit d'habitude dans Faites entrer l'accusé. Eh bien, justement, le thème du jour, ce sont les a priori. Les a priori, c'est formidablement utile dans le storytelling. C'est le matériau de base. Il n'y a qu'à voir comment les médias en raffolent. Les préjugés, les idées reçues, l'emporte-pièce, ça, les journaux, la télé, les caressent toujours dans le sens du poil. Ben, parce que ça permet de dire beaucoup de conneries. Les a priori, c'est la vérité nue, avant qu'elle soit pervertie ou déformée par la compréhension, ou par le savoir, ou par l'analyse. On va pas non plus se laisser emmerder par les faits, on a fait une école de journalisme. Donc voilà, on préférera toujours un petit micro-trottoir ou un bon sondage à une étude sérieuse ou à un avis un peu justifié. Et en politique, c'est pareil. L'a priori, c'est devenu le fond de commerce. On ne fonctionne plus du tout sur la pédagogie ou sur la conviction. On est passé sur le mode « dis-moi ce qui te fait peur et je te dirai mon programme ». Parce que les a priori... Ah oui. La peur, c'est comme ça, ça se diffuse comme un spray. Donc voilà, parce que les a priori, ça parle aux tripes. Et les tripes, chez les lecteurs, ça se fatigue moins vite que le cerveau. Il n'y a qu'à voir comment chaque gouvernement baisse un peu les crédits de la recherche et dépense tout son pognon dans les sondages. C'est ça, la passion du savoir. Ce qui motive un peu cette modeste chronique, c'est la lecture d'un petit article du Monde. Voilà, deux petites colonnes parues au milieu de l'été et au milieu du journal qui donnaient la parole à Daniel Dometz et Grégory Garestier, deux hommes politiques inconnus, deux maires les Républicains de petites villes d'Île-de-France dont les gymnases ont été réquisitionnés pour y loger des migrants. Alors là, dans cet article, avec franchise et simplicité, ces deux mecs de droite raconter comment leurs administrés étaient hostiles à l'arrivée des migrants, comment eux-mêmes avaient par tous les moyens tenté de s'y opposer, et puis comment des chaînes de solidarité s'étaient créées, des contacts s'étaient noués, des logements avaient été trouvés, et puis comment la vie du village s'en était trouvée soudain transformée. Pour le mieux. Vivre au quotidien avec des gens face à soi, c'est très différent de ce qu'on voit dans les médias. Il disait ça, le maire de Maurepas dans les Yvelines. Et il disait aussi, ça me fait réfléchir sur notre politique nationale à l'égard des migrants. Alors bon, comme c'était un article a posteriori, il était dans les pages centrales et puis il a été repris nulle part. Forcément, mais c'est quand même un peu dommage parce que chaque fois qu'un homme politique dit « je vais m'occuper des migrants », tout de suite après, il ajoute « une bonne fois pour toutes ». Alors que quand on voit le problème a posteriori, c'est un peu différent. Et aussi quand on voit comment on est reçu, nous, ici à Nancy, sur la place Stanislas, à l'Opéra, eh bien, il y a du monde qui vient, on est applaudi, et cette tradition de l'hospitalité, il ne faudrait pas que ça se perde. Thomas Bidegain. Merci Thomas. Dis-moi de quoi tu as peur, j'en fais un programme, c'est ce qu'on retiendra. N'est-ce pas Yasmina Kadra qui est avec nous depuis Nancy en direct. Ça vous a parlé cette chronique sur le dis-moi de quoi tu as peur et... Oui, absolument. Oui. Une chronique, ça parle. Ah, oui, mais ça qui parle. L'écoute, qui l'écoute. Nous, qui tous, est... tous ici. Voilà la puissance du discours dont on parlait tout à l'heure. Ce week-end, c'est la fête de l'UMA avec des artistes engagés, contestataires comme Michel Polnareff. D'après Aujourd'hui en France, sa prestation coûterait au moins 200 000 boules à l'organisation. Voilà. Alors on a beau être coco, on attend un retour sur investissement. Hein. À la fête de l'UMA, je fais ma petite visite. C'est plein de gens cracra qui puent le merguez foutait. C'est pas le plus horrible, faut voir les alcoolos. Eh oui, il arrive dans quelques minutes véritablement en live avec une nouvelle chanson, ce sera Frédéric Fromet, bien sûr. Alors Yasmina Kadra, il y a un article dans Le Parisien aujourd'hui en France qui nous explique que la fête de l'UMA doit composer avec le business du Star System pour faire une grande fête populaire. Est-ce qu'il y a de quoi s'interroger, de se dire tiens c'est marrant, pour la grande fête de l'humanité, chez les communistes ils sont obligés de faire un business de fou avec des producteurs et du Star System pour en faire une grande fête populaire. Mais toute fête exige un minimum de sacrifices. Donc c'est pour. Le côté. Alors c'est marrant parce que le côté festival du Parti communiste fait peur aux artistes anglo-saxons. Parce que dès qu'on dit communiste aux anglo-saxons, bon. Est-ce que Chewbacca, alors c'est tout le week-end, 25 euros avec une très belle affiche. Oui, puis il y a toujours vachement de trucs à découvrir, comme à la fête de l'humain. Là, vous avez un petit groupe qui s'appelle Amun Shaker. C'est un gars qui fait du beatbox, donc il fait de la mouse percussion avec sa bouche. Il y a un guitariste, je crois qu'il y en a un qui est australien, l'autre est finlandais. Ils se sont rencontrés, c'est... un groupe qu'on voit très peu en France. Donc il y a plein de découvertes aussi. Il y a plein de choses à voir. Il y a les têtes d'affiche où il y a de l'investissement qui est fait. Et puis, vous êtes déjà allé à la fête de l'UMA, Yasmina Kadra ? Oui, deux fois. Oui ? Il y a beaucoup d'humanité quand même. Ah, bah oui, c'est ça, évidemment. Voilà pour ce sujet. Alors, il faut signaler quand même qu'on a trouvé ce sujet qui épinglait le business de la fête de l'UMA dans Aujourd'hui en France. Qui appartient à... Nanar Arnaud. Bernard Arnault. Ouais, donc, si Bernard Arnault veut flinguer l'humanité, il y a une petite logique. Enfin voilà, c'était une transition c'était une petite transition pour accueillir mesdames et messieurs. Oui. Oui, il est là, Frédéric Fromet. Il était avec nous en train, avec sa guitare. Bonjour Frédéric. Bonsoir. Alors qu'est-ce que va-t-on nous chanter aujourd'hui ? Eh bien, je voulais écrire une chanson sur Nancy, mais j'ai appris que C'est Jérôme l'avait déjà fait. Alors je vais piquer un autre titre pour évoquer C'est Jérôme Cahuzac. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a niqué. Je nique tout le monde, même les Maccabées. Tiens, bonjour, Michel, dis-moi comment tu vas. Ah merde, t'es mort, eh ben tant pis pour toi. Tu iras expliquer tout ça au juge. Oui, je sais, Michel, que c'est tombé sur toi. Et que j'aurais mieux fait de choisir Pasqua. Mais c'était trop facile comme excuse. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui a fraudé. Si vous saviez ce que Rocard m'a coûté. En alcool, en coke, en pute et en diamant. Sur l'épaule, un tatouage fuck Mitterrand. Les cours d'orthophonie sans résultat. Oui, je sais, ça peut vous paraître étonnant, mais j'ai encore beaucoup plus amusant. Oui, par exemple, la pute, c'était Mère Teresa. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui fait rêver. Même mon fric, je le fais s'évader. Je sais que nous, les gens du voyage, on nous envie. On nous reproche de voir de beaux pays. Dites-moi ce que j'aurais pu foutre à Nancy. Quel enfoiré ce Cahuzac. Il tape même sur une ville morte. Oui, je sais, j'ai fait la Suisse, le Panama, Guinée, Seychelles, Singapour, etc. Y'a plus que les beaux maîtres que je connais pas. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a niqué, même pour la chute, car j'en ai pas trouvé. L'opéra de Nancy, qui fait résonner le mauvais esprit de Frédéric Fromet sur France Inter. Merci Frédéric Fromet, quel succès! Yasmina Khadra, vous aimez la satire, vous aimez le... Il y va loin, Frédéric Fromet. Hein. Non, c'est très bien pour le moral. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et c'est bon aussi pour le moral de vous lire et de vous entendre avec vos paroles apaisantes et pleines de sagesse, Yasmina Khadra. Merci d'être restée avec c'est nous. Moi. Je rappelle votre dernier roman, Dieu n'habite pas la Havane, un roman paru chez Julliard. Et on peut vous rencontrer toute la journée pour ceux qui ont envie de venir à Nancy et de venir vous rencontrer au Livre sur la Place. Qu'est-ce que vous attendez des gens qui viennent vous voir? Des discours avec les lecteurs? Moi, je les adore. Hein. Ce sont eux qui me font. Donc, je leur dois tout. Ah, alors venez. Venez voir Yasmina Khadra au Livre sur la Place à Nancy. Merci à tous, public de Nancy, de l'Opéra. Merci à la ville. Merci à Benjamin Riquet à la réalisation, Sarah Masson, Irène Menahem, Nathalie Romero à la préparation. Merci à Nicolas Boucard et toutes les équipes techniques de Radio France. Merci à vous, on se retrouvera lundi en compagnie de Myriam Boyer. Et puis, bah, le mot de la fin, hein, qu'on peut donner à l'aspect technique des discours de François Hollande. Mon mari a des difficultés mécaniques lorsqu'il doit s'exprimer. Je vois que vous avez le ventre mou, donc il nous faudra aussi renforcer le diaphragme. De la simple mécanique. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Ce soir, à partir de 21h, autour de Léo, en partenariat avec l'Obs, une soirée spéciale autour de Léo Ferré. Didier Varro. Plus de 2 heures de concert en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio pour fêter le centenaire de la naissance de Léo Ferré. Avec en ouverture l'Orchestre Philharmonique de Radio France qui célébrera le répertoire symphonique de l'artiste sous la direction de Bruno Fontaine. Puis, une pléiade d'artistes sous la houlette de Romain Humeau viendront réenchanter le Grand Léo avec Bernard Lavillier, Catherine Ringer, Arnaud, Philippe Catherine et bien d'autres belles surprises. Thank you, Satan. Autour de Léo, une soirée exceptionnelle à vivre sur France Inter ce soir à partir de 21h. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais... Tiens, là, une place. Ah non, dommage. Smart for Two. Garez-vous enfin là où vous allez. Smart for Two 45 kW pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois 40 000 km sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Comme tous les matins, j'étais sur le trajet du taf. Comme tous les matins, je marchais la tête un peu dans le sac, les yeux rivés sur mon portable. Ce matin-là, j'ai pas fait gaffe en traversant le boulevard. Et je me suis fait faucher par une voiture. Aujourd'hui, mon seul trajet, c'est entre mon lit et ma salle de bain. Mon frère veut tout arrêter pour s'occuper de moi. Mais cet accident, c'est le mien. Je le laisserai pas foutre sa vie en l'air. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Claire Servageon. Bonsoir Charline. Bon week-end à Nancy, et puis à lundi. Bonsoir à tous. Une voiture remplie de bonbonnes de gaz découverte à Paris. Trois femmes interpellées dans l'Essonne. Elles faisaient partie d'un commando piloté par l'État islamique. C'est ce que vient d'indiquer à l'instant le procureur de Paris. Ce soir, dans une semaine en France, on s'interrogera justement sur ceux qui basculent dans le djihad. Pourquoi une telle dérive? Pourquoi une telle haine de la part de jeunes gens et de jeunes filles ayant le plus souvent grandi ici? On en parlera dans le téléphone sonne à 19h20 et dès 18h15 avec notre grand témoin, Tahar Ben Jelloun. Mais d'abord, le journal de 18h. Bonsoir Florence Paracolos. Bonsoir Claire, bonsoir à tous. À la une ce soir, vous en parliez à l'instant, un attentat déjoué et une nébuleuse djihad